Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Chapitre 9. 3. Effets actuels de la compassion de Marie. Nous sommes maintenant en état de diriger nos investigations sur les effets actuels de la compassion de Marie. Ces effets peuvent être classés sous trois titres. Ainsi, on peut dire que la compassion était elle-même une partie de la passion, que cette compassion convenait à l'office de Marie dans l'Église, enfin qu'elle touchait à la coopération de Marie dans l'œuvre de la rédemption. Cependant, quoique ces trois choses puissent être conçues comme séparées, elles sont en réalité si entrelacées que, si nous les classions séparément, nous courions le risque de tomber dans des répétitions, risque cependant que, par égard pour la clarté, on peut s'exposer à encourir. Comme la compassion de Marie était une partie de la passion de notre Seigneur, elle participe aux effets que la passion a produits. Elle y participe, quoique sans doute dans un degré bien inférieur. Dans le même sens que l'abandonnement de Jésus par le Père, aida à produire les résultats de la passion. Ce n'est qu'une coopération matérielle, mais, comme fait, elle sert à nous montrer la réalité de la compassion et du dessein qui faisait partie du plan divin. Les effets de la compassion sur notre Seigneur furent si terribles, qu'il semble probable que l'agonie qu'elle lui causa aurait mis fin à sa vie, si sa divinité ne l'avait miraculeusement soutenue, afin qu'il pût souffrir davantage. La Sainte Vierge révéla à Sainte Brigitte que, quand Jésus vit la violence de ses angoisses maternelles, il en fut si affecté, qu'il devint comparativement insensible à la souffrance de ses plaies, à cause de la peine beaucoup plus grande que cette vue lui causait. Saint Bernard appelle la vision que Jésus eut de la douleur de Marie une affliction inexplicable, une réciprocité ineffable de saint amour. Ainsi la compassion de Marie n'était pas seulement une partie intrinsèque de la passion, mais elle en était un des éléments principaux les plus efficaces. En outre, les douleurs seules de Marie s'approchaient du point suffisant, après l'abandonnement du Père, pour satisfaire cette soif de souffrance que l'amour immense de Jésus sentait encore, même sur la croix. C'était là en soi une des fonctions les plus remarquables des douleurs de Marie. Tout cela est très clair, et nous rendons à peine justice aux douleurs de la Sainte Vierge, comme mystère divin, en les regardant trop exclusivement comme les siennes, et non aussi comme celles de Jésus, ou peut-être plutôt celles de Jésus que les siennes. Nous avons déjà exprimé un doute sur la question de savoir si nous pouvons, sans péril d'inexactitude ou de fausse appréciation, séparer les mystères de la Sainte Vierge de ceux de notre Seigneur, car l'esprit tout entier du récit évangélique, aussi bien que ce qui paraît être une loi de l'incarnation, semble nous montrer Jésus et Marie ensemble, et les rendre inséparables. Or, si nous détachons les mystères de Marie de ceux de Jésus, ou si nous considérons pendant un moment Marie comme séparée de Jésus et comme possédant quelque chose d'une façon indépendante de lui, nous courons un des deux risques qui se présentent à nous. Le premier nous expose à nous écarter du langage et des vues des grands saints et des docteurs de l'Église, parce que déjà, dans nos esprits, nous avons fait de Marie quelque sainte gigantesque, au lieu de la mère divine, de la femme revêtue du soleil, dont il est parlé dans l'Apocalypse, et ainsi, la regardant isolément, nous n'osons pas employer à son égard les expressions presque divines qui sont communes chez les saints. Le second risque auquel nous sommes exposés est, en nous laissant dominer par l'autorité des saints, de nous habituer à leur langage, et de nous faire violence pour adopter leurs croyances sans les comprendre. De sorte qu'ainsi nous puissions peut-être attribuer à la Sainte Vierge seule ce qui appartient seulement à notre Seigneur, troubler l'analogie de la foi, et jeter du discrédit sur la dévotion à notre Sainte Mère, en nous livrant à ce qui est manifestement une exagération, aussi bien qu'une atteinte à l'honneur de notre Seigneur. Dans un certain sens, les saints peuvent être isolés, chacun avec son caractère individuel. Marie ne le peut. Elle est trop près de Dieu pour cela. S'il existe, avec un caractère spécial et une individualité propre, une sainte dont le nom est Marie, cachée sous la maternité divine, et se dérobant pour ainsi dire au fond des mystères de Bethléem, de Nazareth et du Calvaire, cette sainte du moins ne peut nous apparaître distinctement, à cause de l'excès de la lumière du soleil éternel dont elle est revêtue. Il n'est pas en notre pouvoir de détacher cette sainte de la maternité divine. Elle ne s'ouvre jamais un chemin jusqu'à la surface. Si elle existe, elle est connue de Dieu seul. Si nous devons jamais la connaître, ce doit être à la lumière de la vision béatifique, et non ici, ni maintenant. Pour nous, Marie doit être simplement la mère de Dieu, elle ne doit pas être plus semblable à Jean qu'elle ne l'était à Pierre, ni avoir une plus grande ressemblance avec saint François qu'avec saint Dominique, avec sainte Thérèse qu'avec sainte Catherine de Sienne, avec saint Philippe qu'avec saint Ignace. Nous ne pouvons la considérer séparément comme sainte et comme mère de Dieu. Si nous essayons de le faire, l'un ou l'autre de ces deux caractères suffit. Le résultat inévitable de notre tentative serait de faire descendre Marie des hauteurs sur lesquelles les grands docteurs de l'Église ont coutume de contempler sa grandeur, une grandeur qui non seulement est solitaire, mais incomparable et incommunicable. Ils ne la regardèrent jamais comme séparée de Jésus, à leurs yeux, elle se mêlait avec lui, et ce qu'elle possédait, elle le possédait en commun avec lui. Elle était remplie de la lumière de Jésus, revêtue de sa magnificence, et, pour ainsi dire, enclavée dans le mystère de l'incarnation. La chose qui nous étonne véritablement en Marie et qui fait dire à saint Denis, qu'il avait douté pendant un moment si elle n'était pas un dieu. C'est cette similitude avec Dieu qu'elle paraît recevoir de la nature divine de son Fils, en retour de la nature humaine qu'elle lui a donnée. Ce qui a toujours été pour moi la chose la plus remarquable en elle, c'est sa ressemblance avec le Verbe comme Dieu, tandis que le Verbe est si semblable à elle-même comme homme. C'est ce privilège de la divine maternité qui semble quelquefois élever Marie au-dessus de la sphère de l'incarnation, et qui la place à une si inexprimable proximité du Dieu invisible. Les saints paraissent avoir regardé Marie comme une nature créée, une personne créée, sur laquelle était répandue la splendeur communicable de Dieu lui-même, autant que, dans les limites de l'économie divine, une simple créature créée pouvait être rendue capable d'en endurer. C'est pourquoi il la regarde comme étant si complètement en Dieu dans le giron de sa divine magnificence, qu'il ne craigne pas de se servir à son égard d'un langage qui ne peut manquer d'être mal compris par ceux qui la contemplent à un point de vue différent. Il est très important d'avoir cela présent à l'esprit, car, à première vue, ceux qui aiment la Sainte Vierge sentent une sorte de chagrin en voyant le refus apparent qu'on lui fait d'un caractère individuel qui devrait lui être distinctif et propre. Cette manière de considérer Marie semble l'éloigner de nous, et témoigner peu d'amour. Mais à ceux qui aiment Marie, un peu plus de réflexion montrerait que, dans les difficultés religieuses aussi bien que théologiques, l'autre manière de voir ne manquerait pas de les embarrasser à la fin. À l'égard de ces douleurs, Nul doute cependant qu'elle ne soit tout simplement inintelligible, si nous considérons Marie comme séparée de Jésus. Quoi qu'on puisse dire des autres mystères, les douleurs de Marie sont incontestablement celles de Jésus autant qu'elles sont celles de sa mère, et nous ne parviendrons jamais à nous en former une idée juste, si nous ne les regardons comme des douleurs dans le cœur de Jésus aussi bien que dans celui de Marie, et si nous ne croyons que par là elles aidèrent à accomplir la passion, dans laquelle elles eurent la place éminente et particulière qui leur était assignée. La compassion de Marie était le moyen par lequel sa maternité était liée avec la passion. La compassion eut aussi pour effet de rendre la Sainte Vierge propre à remplir l'office de mère des hommes, de reine de miséricorde et de refuge des pécheurs. Comme nous l'avons dit au premier chapitre, elle acquit une sorte de droit à cet office par ses douleurs, qui étaient des sacrifices volontaires et héroïques bien au-dessus des sacrifices absolument indispensables auxquels l'obligeait sa divine maternité. Jésus était pour ainsi dire redevable envers Marie, à cause des douleurs qu'elle avait endurées. Ce fut par là que le glorieux empire qu'elle exerce aujourd'hui sur le Sacré-Cœur, lui fut octroyé et pris des racines profondes. Ce fut en elle que sa dernière identité avec Jésus atteignit à son plus haut point et à son union la plus étroite. Nous ne pouvons non plus douter que sa patience à souffrir des chagrins si terribles et en même temps si variés n'ait agrandi son cœur, et ne l'ait rendu plus capable qu'elle ne l'eût été autrement de sympathiser avec les afflictions de l'humanité. Les saints tirent du péché un grand enseignement. Le zèle apostolique et la charité ont des racines dans l'expérience du péché aussi bien que dans le pur amour de Dieu. Notre Sainte Mère fut absolument exclue d'un tel enseignement, c'est pourquoi l'affliction avait à lui enseigner ce qu'il ne lui était pas permis d'apprendre du péché. Cette perte de Jésus qui est le premier malheur du péché, nulle science de la malice du péché ou de la nécessité de la grâce n'aurait pu la lui faire sentir comme le firent les 3 jours d'absence. L'expérience qu'elle a de l'affliction et l'union de ses afflictions avec celle de Jésus ont pour effet de donner à l'intercession de Marie un immense pouvoir d'impétration, et de rendre son esprit plus sensible à la réalité. Même, si nous les regardons simplement comme une accumulation énorme de mérites, les douleurs de Marie prennent à nos yeux une importance considérable en ce qui concerne son office envers nous. Il y a à peine l'ombre d'une affliction humaine qui ne soit familière à son cœur. Les formes multiples de la souffrance lui sont connues. Les secrets de l'alliance des afflictions avec la grâce, aussi bien que leur tendance à conspirer avec l'indigne faiblesse de notre nature, ne sont point des secrets pour Marie. Prophétesse d'une race affligée, elle est, par sa propre expérience, le grand docteur dans la science de l'affliction. Sans sa compassion, Marie n'eut peut-être pas eu toute l'ardeur de son désir d'accroître la moisson de la passion, désir qui ressemble à l'amour extrême du Sacré-Cœur pour les âmes. Les souffrances de Marie sur le calvaire furent réellement les douleurs de l'enfantement dans lesquelles tous les hommes naquirent de Marie, et ainsi, non seulement sa compassion la rendit propre à devenir notre mère, mais c'est encore par sa compassion que nous sommes devenus réellement ses enfants. De même que ce fut dans sa compassion que nous naquîmes pour elle, ainsi c'est dans sa compassion que nous atteignons à ces fondements vastes et profonds sur lesquels peut se construire notre confiance filiale. Si notre mère bien-aimée était seulement la merveille brillante et heureuse qu'elle serait avec son immaculée conception, sa maternité divine et sa glorieuse assomption, notre confiance en elle ne serait pas si complète qu'elle l'est pour la mère au cœur brisé qui se tient au-dessous de la croix. Elle semblerait plus éloignée de nous, Nos sentiments envers elles seraient de la même nature que ceux avec lesquels nous regardons les anges, pour lesquels nous sommes pleins d'amour et de vénération, de tendresse et de révérence, d'étonnement et de congratulation, et d'un saint désir d'union avec eux, mais nous ne sentirions pas, comme nous le faisons maintenant, qu'elle nous appartient, qu'elle est près de nous, et qu'elle est notre vraie mère. C'est la compassion qui fait entrer ce caractère filial dans notre dévotion à la Mère puissante de Dieu. Mais ce n'est pas là tout, de même que ce fut dans sa compassion que nous naquîmes pour elle, comme c'est dans sa compassion que nous trouvons nos motifs d'amour filial en elle durant notre vie, ainsi ce fut dans sa compassion que nous gagnâmes notre droit à mourir dans ses bras maternels, car ce fut alors qu'elle reçut le droit de patronage sur les lits de mort, à cause des soins qu'elle donna à notre Seigneur sur son lit de mort, et les services que Marie nous rend, comme elle le fit pour Jésus, à l'heure de la mort, forme une partie de l'office de Marie, sur lequel l'Église s'appuie le plus, en les mentionnant dans l'Ave Maria. Ainsi sa compassion est liée d'une manière inséparable aux nombreuses fonctions de miséricorde dont, conformément au décret de Dieu, Marie s'acquitte envers nous. Le troisième effet de la compassion de Marie est sa coopération avec Jésus à la rédemption du monde. Nous en avons déjà parlé, mais il nous reste encore quelque chose à dire. La coopération de Marie a un grand nombre de traits caractéristiques que nous ne devons pas perdre de vue en considérant cette question. C'était la coopération d'une créature sans péché avec le Créateur incarné, pour racheter le monde du péché. Marie n'avait par elle-même aucun péché, et cependant elle souffrait, et de plus souffrait pour le péché. Cette condition est particulière à Marie, et distingue sa coopération de celle des saints qui avaient péché et des anges qui ne pourraient souffrir. Outre cela, la compassion de Marie fut, comme nous l'avons dit, un sacrifice unique, simultané, et identique avec celui de Jésus, de sorte qu'un des anciens théologiens a dit, « La volonté du Christ et celle de Marie n'en formaient qu'une, et leurs deux holocaustes n'en formaient qu'un seul, Jésus et Marie offraient d'une manière semblable leur sacrifice à Dieu. Jésus dans le sang de sa chair et Marie dans le sang de son cœur. » Citation, Arnold Carnot. De là résulte que le trésor de l'Église réunit les satisfactions de Marie avec celles de Jésus dans une place qui n'appartient pas aux satisfactions des saints. Les premières portent mieux le cachet du Christ, en même temps qu'elles sont plus abondantes et plus précieuses. Lorsque nous offrons notre Seigneur à son Père, nous offrons ce que, dans aucun sens propre, il ne nous appartient pas d'offrir, mais qui nous appartient seulement par les artifices de la grâce et par la communion des saints. Par ces moyens, il est vrai, ce sacrifice nous appartient réellement dans un sens chrétien, dans un sens surnaturel, mais Jésus appartenait à Marie, et était obéissant envers elle, dans un sens tout à fait différent. Elle avait, pour l'offrir, un droit auquel nous ne pouvons participer. Tandis que nos offrandes spirituelles ne nous coûtent rien, celle de Marie lui coûtait le brisement de son cœur. Elle s'appauvrissait pour nous enrichir. En outre, en offrant Jésus à son Père, elle fit plus que l'univers tout entier n'aurait pu faire pour effectuer la réparation envers sa majesté à jamais bénie que le péché avait outragé. Le résultat des efforts de tous les saints ne peut que rester infiniment au-dessous de ce que fit Marie, parce que son offrande était infinie, et que, par conséquent, elle effectuait une ample réparation. Une réparation égale à Dieu et digne de Dieu, parce que ce qu'elle offrait était le Dieu incarné, qui était également son Fils obéissant et aimant. Quand Marie eut fait son offrande, Nul vestige de l'outrage du péché ne resta sur la gloire du Créateur. Toute plaie fut guérie, tout vide fut comblé, toutes ténèbres furent éclairées, si, pour parler d'un tel mystère, nous osons employer des expressions humaines, insuffisantes, comme elles doivent nécessairement l'être. Ce ne fut même pas l'atout, par l'offrande de Marie, offrande qui lui appartenait et qu'elle avait le droit de faire, Dieu vit son trône entouré d'un véritable monde de gloire, qu'il n'aurait peut-être pas eu si le péché n'avait pas existé. Le péché devint pour ainsi dire une immensité de nouvelle matière, d'où le sacrifice de Jésus et l'offrande de Marie firent sortir un monde nouveau, plus vaste que tous les mondes matériels, un monde de gloire pour la majesté du Très-Haut. Mais cela n'est même pas encore assez, Marie descendit encore plus profondément dans le sacrifice, elle en devint partie vivante et crucifiée. Ses douleurs après l'abandonnement du Père furent la partie la plus profonde, la plus amère, et la plus étendue de la passion de notre Sauveur, et, par conséquent, coopérèrent avec l'abandonnement divin et la cruauté coupable des hommes à rendre Jésus capable d'offrir au Père cette satisfaction magnifique et plus que suffisante que renfermait le sacrifice de la croix. Tels furent les meilleurs effets de la compassion de Marie. Nous tremblons presque en les retroussant, parce que nous savons trop bien que, par suite de notre peu de lumière spirituelle et par manque d'un amour assez vrai pour notre mère bien-aimée, nous en donnons une description bien au-dessous de la splendeur de leur réalité. Markemdanarchive.org d'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.